je fais mon petit délire tout seul. Hein. 2 Indochine, ouais. Mais je le trouve tout très mal. Attends, je le refais. J'ai pas tous d'accord. je déconne.